Danseur Midi. Électrochique, l'émission qui fait du bien partout. Looking into your eyes. Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Electrochic, le rendez-vous du samedi matin que vous n'avez absolument pas le droit de manquer. Vous l'écoutez sur 95.30 mais aussi via le net. Et oui, car c'est possible déjà depuis un petit moment, il vous suffit pour cela de taper www.galaxyfm.com et là, vous pourrez nous écouter en qualité numérique. Electrochic. Electrochic. On Galaxy. Galaxy. Le son de Sébastien Léger, c'est Word, le mix original, c'est électrochic, vous ne touchez à rien. La suite, c'est dans quelques petites secondes avec Nicolette et c'est John Modena qui débarquera dans votre radio juste après. Entrez dans l'univers du dance floor. It's true. Life will smile for you. It's true. Life will smile for you. C'est électrochic jusqu'à midi avec tout de suite un intrus de taille puisqu'il s'agit de DJ Dani Ximénez. Il débarque de Barcelone spécialement pour vous ce matin. Donc je vous laisse pendant 30 minutes. Vous allez vous régaler. Ça commence d'ailleurs très fort avec Fragma et Tokami. Galaxy. Galaxy. Chic on Galaxy. Galaxy. vous avez prévenu, c'est une tuerie à lui seul ce mec. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. C'est DJ Danik Ximénez, originaire, je vous le rappelle, de Barcelone, qu'on aura bien sûr l'occasion de retrouver très bientôt sur Galaxy. Electrochic, deuxième partie, c'est dans un instant, avec et parmi tant d'autres, John Dolbach, Sandy W ou encore, la belle et craquante Nikki Bellucci. Vous aurez le son, malheureusement pour l'image, je ne peux absolument rien faire. 10h midi. Electrochic, l'émission qui fait du bien partout. Stolbach qui avait fait, souvenez-vous, son entrée dans l'Eurotop Galaxy au mois de janvier. C'était justement avec ce titre Belly Button. Attention, Galaxy vous offre votre passe pour une des soirées club du week-end prochain. Si vous voulez vous éclater au Pulse Factory, l'Escape ou encore l'H2O, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez nous appeler tout de suite. 03 20 83 57 57. Nous jouons avec le 10e, le 15e et le 20e appel. En attendant, c'est Yann Carré sur Galaxy avec Keep On Rising. Électrochic. Électrochic. On Galaxy. Down in the depths of my soul, feeling a loss of control and in a spirit so colorful. If you feel it, then let's go to a place where you belong. Give you strength to carry on. Open your heart, set your mind at ease. Live your life and you'll be free. We're gonna Écoutez Galaxy sur 9530 ou www.galaxyfm.com. Voici quelques-uns des rendez-vous que vous allez pouvoir retrouver tout au long de ce samedi, à commencer par Jimmy, que vous retrouverez d'ailleurs juste après moi entre midi et 14h. 14h, 16h, Paola avec Vade Retro. 16h, 18h, Manhattan et Ghetto Mania. 18h, 20h, Silver Sea Heaven avec Essential Progress. 19h30, 20h30, Claude Monet. 20h30, 23h, Nico & Co avec Refresh. 23h, 1h du mat, Jerome B. Je sais pas pourquoi, j'adore le dire comme ça. C'est bien sûr Party House. Galaxy.

Vous écoutez Galaxy avec encore un max de son dans cette dernière demi-heure d'électrochic. Il y aura Mastic Soul, Candy Staton et surtout Nicky Bellucci. Je dirais bien quelque chose à son sujet, mais bon, finalement, je préfère me taire. Hey, tu veux connaître les 40 titres les plus diffusés sur Galaxy? Alors connecte-toi sur l'Eurotop. L'Eurotop Galaxy. Les 40 titres les plus explosifs du moment. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? Écoute, Galaxy. Galaxy. Galaxy. We'll be right back. Show, les Jacobino, vous avez découvert sur Galaxy. Il sera midi dans quelques minutes. J'en profite évidemment pour vous souhaiter un très bon appétit. Electrochic, c'est terminé pour aujourd'hui. Profitez-en pour vous amuser et faire les fous. Et revenez-nous encore plus nombreux le week-end prochain. Dans quelques minutes, Jimmy sur Galaxy. Galaxy. Galaxy. 95.3. Link.